إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 6 dans l'explication du livre Mu'amalatul Hukam fi daw il kitab wa sunnah, c'est-à-dire la façon d'agir, le comportement à avoir envers les dirigeants selon la lumière du Coran et de la sunnah. Et on est arrivé au deuxième chapitre dans ce livre Al-Fasl al-Thani fi bayani al-makana العلية لولي الأمر في الشرع المطهر. Donc on explique le statut élevé que détient le dirigeant selon la législation purifiée, c'est-à-dire selon le Coran et la Sunna et la Sharia d'Allah. Et tout ça, encore une fois, c'est pour réfuter les ignorants et les gens d'égarement et les gens de bid'ah et les khawarij en particulier. Et les Mu'tazila, ceux qui sont sur cette voie, qui eux justement dénigrent les ulama et dénigrent en particulier dénigrent les dirigeants et dénigrent les ulama aussi, Allah al-Musta'an. Et donc dans ce livre, il y a des preuves qui réfutent leur voie et il y a l'affirmation de la position de Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet. Le cheikh il dit, on a lu l'introduction au dernier cours, donc le cheikh il dit maintenant, wa nahnu nadhkuru insha'Allah jumalan min makanati wali al-amr fi ash-shar'i ala jihati al-ikhtisar, li'anna kathiran minha lahu mawdi'un aw lahu mawdi'u bastin fi hadhihi ar-risala, wa dhalika li yakuna ijlalu al-muslim sultanahu على جهة التعبد لله تعالى والنصح للسلطان فلا يخل بشيء من حقوقه عليه كما لا يخل بشيء من حقوق والديه عليه ويحتسب بذلك الأجر الأوفر من الله جل وعلا جل وعز. Donc le cheikh il dit, nous allons mentionner inshallah différents exemples qui explique le statut ou la position du dirigeant dans la législation de l'islam de façon résumée. Il dit, il y a beaucoup de ces points-là qui vont être élaborés, hein, donc sur lesquels on va élaborer beaucoup plus tard dans le livre, et c'est pour ça que il n'en parlera maintenant que de façon résumée. Il dit, le but de ça, c'est pour montrer aux musulmans comment ils doivent avoir du respect, hein, et respecter le dirigeant, et que ça, c'est une adoration pour Allah, c'est-à-dire qu'il adore Allah en respectant son dirigeant et en faisant preuve de sincérité et de donner le bon conseil au dirigeant. Tout ça, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala quand il agit comme ça, et il ne manque pas à aucun des droits que le dirigeant a sur lui, de la même manière qu'il ne manque pas aucun, ou qu'il ne manque pas de respecter aucun des droits de ses deux parents, hein, des droits que ses deux parents ont sur lui. Donc c'est comme l'exemple qu'on a donné plus tôt dans les cours précédents. le respect que tu dois avoir envers tes parents, c'est un grand respect. Et le respect que tu dois avoir envers le dirigeant, c'est un respect encore plus grand. Puisque c'est lui qui est responsable de la Umma, c'est lui qui est responsable d'une nation au complet. Et donc, il a une grande responsabilité sur ses épaules. Et donc, il mérite, hein, de nous du respect. Lorsque tu respectes les droits d'Allah, les droits de ton dirigeant, les droits de tes parents, tu le fais en espérant d'Allah la récompense. Hein? Et c'est quelque chose qui a une très grande importance dans l'islam. Il dit « famine dhalik ». Donc il a mentionné plusieurs points, il les a énumérés. Donc on va commencer par le point numéro 1. الأول أن الله تعالى أمر بطاعة الولاة وقرن طاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعتهم فدل ذلك على رفيع شأنهم وعظيم قدرهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهذه الطاعة لولاة الأمر المفروضة على العباد مقيدة بما إذا لم يأمروا بمعصية الله تعالى فإن أمروا بمعصية فلا يطاعون في هذه المعصية لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Donc le cheikh il dit premièrement, Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné d'obéir aux dirigeants. Il a ordonné d'obéir aux dirigeants. Et il a relié entre son obéissance, c'est-à-dire l'obéissance d'Allah, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a associé ou plutôt accordé ou mis ensemble l'obéissance, son obéissance à lui, c'est-à-dire l'obéissance d'Allah, l'obéissance de son messager et l'obéissance des dirigeants. Donc il les a mentionnés ensemble. Hein? Et ça indique quoi? Ça indique le niveau et l'importance et le degré élevé que les dirigeants ont, hein, que les dirigeants détiennent dans la religion et dans la dunya. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran ce qui signifie: ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. C'est-à-dire les dirigeants. Et les ulama ont expliqué, comme le cheikh il le dit lui-même, que cette obéissance qu'on doit aux dirigeants, c'est une obéissance qui a été mise comme une obligation sur les serviteurs, sur les hommes, et qui est, wa alaykum assalam, rahmatullahi wa barakatuh, et cette obéissance aux dirigeants, elle est restreinte. Elle est restreinte et limitée au fait de leur obéir dans qu'est-ce qu'ils ordonnent qui n'est pas un péché ou une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que s'ils nous ordonnent, les dirigeants, de désobéir à Allah, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur obéir parce que on n'a pas le droit d'obéir à une créature dans la désobéissance du Créateur. Donc ça c'est un principe dans la charia d'Allah, c'est un principe dans l'islam. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance du Créateur. Peu importe qui est cette créature. Donc peu importe que ce soit ton père, que ce soit ta mère, que ce soit ton dirigeant, le chef de l'État, s'il t'ordonne de désobéir à Allah, tu n'as pas le droit de lui obéir dans la désobéissance. Parce que c'est interdit. Oui, c'est ça. Donc, s'ils ordonnent, par exemple, de raser la barbe, ou qu'ils ordonnent d'abandonner la salate, ou qu'ils ordonnent de faire un péché quelconque, hein, de tuer celui qui n'a pas le droit d'être tué, ou de frapper celui qui n'a pas le droit d'être frappé, ou de faire de l'injustice, ou de voler, ou de mentir, ou des choses comme ça, ça c'est des péchés, donc on n'a pas le droit d'obéir dans la désobéissance d'Allah. C'est-à-dire que plus le péché est grand, plus que c'est interdit. s'il t'ordonne s'il t'ordonne de faire un petit péché, c'est interdit aussi. Grand ou petit. Il n'y a pas de spécifique, yani, comme si c'est un grand péché, c'est interdit, si c'est un petit, c'est permis. Yani, s'il t'ordonne de désobéir à Allah, tu ne dois pas les obéir dans le péché. Hein? Parce qu'il y en a des gens qui disent des fois, bon, c'est mon père, il m'a ordonné de faire ça, donc je le fais. Ou c'est ma mère, elle m'a dit de faire ça, donc je le fais parce que c'est mes parents, je dois obéir à mes parents. Tu dois obéir à tes parents dans qu'est-ce qui n'est pas interdit. Mais s'ils t'ordonnent de faire qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est haram, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de leur obéir. Et la même chose pour le dirigeant. Si le dirigeant t'ordonne de faire des bonnes choses, ou t'ordonne de faire des choses qui sont permises, tu le fais. Mais s'il t'ordonne de faire un péché, tu n'as pas le droit de le faire. Tu ne dois pas leur obéir. C'est ça. Non, mais que c'est un principe général. Dans le verset en question, on voit qu'Allah, il dit « obéissez ». Le verbe « obéissez »,« ati'u », il est répété devant le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le verbe impératif, encore une fois, de « ati'u », »,« obéissez », il est mentionné devant le nom, devant le messager. Donc, il est répété deux fois. Le verbe « ati'u », c'est-à-dire l'obéissance, elle est mentionnée, le verbe est mentionné sous la forme impérative deux fois, une fois devant le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et une fois devant le messager. Et par contre, à la suite, c'est écrit « et ceux qui détiennent le commandement », le verbe impératif de l'obéissance n'a pas été répété devant les dirigeants. Mais ça a été complété par le waou, qui veut dire et, hein, à ceux qui détiennent le commandement. Et c'est de là qu'on peut comprendre que l'obéissance à Allah, elle est absolue et obligatoire. Et l'obéissance au messager, elle est absolue et obligatoire. Tandis que l'obéissance aux dirigeants, elle est conditionnée par ce qui est ordonné par Allah et son messager, dans le sens que si les dirigeants ordonnent de contredire Allah ou de contredire le messager ou de désobéir à Allah, de désobéir au messager, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de leur obéir parce que leur obéissance n'est pas absolue. Leur obéissance est restreinte et limitée à ce qui n'est pas un péché et qui n'est pas une désobéissance à Allah. Et donc, je répète encore une fois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyat al-khaliq. Il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au créateur. Wa qad shahidat as-sunna bi hadha al-qayd fi ahadith 'adida wa ya'ti dhikruha inshallah. Il dit qu'il y a beaucoup d'ahadiths qui ont mentionné qui ont témoigné de ce principe-là. Et on va en mentionner quelques-uns plus tard inshallah. Le deuxième point qui est mentionné par la suite, hein, après celui-là, c'est إخبار الشارع بأن من أكرم السلطان أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. والمعنى أن من تجرأ على السلطان فأهانه بفعل أو قول فقد تعدى حدود الله وارتكب محظورا شنيعا فكانت عقوبته فكانت عقوبته من جنس عمله المشين وهي أن الله تعالى يقابل هوانه بهوانه وهوان الله أعظم وأشد. Donc le cheikh il dit, la deuxième chose aussi par rapport au fait que yani on doit montrer du respect aux dirigeants, c'est la parole yani dans le hadith qu'on a lu au dernier cours qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui a honoré le dirigeant, Allah va l'honorer. Et celui qui dénigre le dirigeant, Allah subhanahu wa ta'ala va le dénigrer, va le rabaisser. Et donc, la signification de ça, c'est dans le sens que celui qui ose manquer de respect au dirigeant, et le dénigrer, soit par une action, soit par une parole, alors il a dépassé les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a commis un péché très grave. Et la punition de ce péché-là correspond à la laideur de l'action, qu'il a faite. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va répondre, va lui remettre son dénigrement par un dénigrement. Et il dit le dénigrement d'Allah est plus grand et plus sévère. Donc, si lui, il dénigre le dirigeant, eh bien Allah va le dénigrer. Et le dénigrement d'Allah, il est plus grave que son dénigrement à lui envers le dirigeant. Donc, ça c'est grave. Et il dit, oui. C'est ça qu'on a expliqué au dernier cours. C'est que c'est pas nécessaire que ce soit, comme on a dit, le dirigeant suprême de toute la Oumma, mais celui qui est au pouvoir dans un pays musulman, il est le dirigeant, il est le sultan. Et quand on parle du sultan, on parle pas seulement de celui qui dirige, mais de ceux qui sont sous ses ordres, qui sont ses ministres et ses députés et, ses, hein, et les maires, parce qu'ils représentent tous le sultan, d'accord. Donc la même chose pour l'autorité, hein, ceux qui représentent l'autorité aussi dans le pays, parce que c'est-à-dire que si quelqu'un porte atteinte à l'autorité, que ce soit un policier ou un soldat ou à un juge ou à un ministre ou un député ou à un maire, c'est comme s'il porte atteinte au dirigeant lui-même, parce que tout ça, ça représente son autorité, tu vois. Et donc le cheikh il dit وَمَا هَذَا الْعِقَابَ الصَّارِمْ لِمَنْ أَهَانَ السُّلْطَانِ إِلَّا لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى إِهَانَتِهِ مِنْ إِذْهَابِ هَيْبَتِهِ وتجري الرعاع عليه مما ينافي مقاصد الشرع من نصب السلطان. Donc il dit la raison de ce châtiment sévère pour celui qui a manqué de respect ou dénigré le dirigeant, c'est uniquement à cause des conséquences qui découle du fait de manquer de respect envers le dirigeant, puisque lorsque on manque de respect envers le dirigeant, ça lui enlève son respect, hein, et son autorité, hein, comme on dit, son aura de respect, hein, sa heiba. Et à cause de ça, ça pousse les faibles d'esprit, hein, et la population à oser lui manquer de respect eux aussi de leur côté. Et ça, c'est quelque chose qui est en contradiction et qui oppose les objectifs du législateur, c'est-à-dire les objectifs que Allah a voulu établir dans le fait d'avoir mis en place un dirigeant pour diriger la population. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a voulu qu'il y ait un dirigeant pour diriger la Ummah, Il a voulu ce dirigeant-là pour qu'il soit obéi. Et si les gens lui manquent de respect, hein, et le dénigrent, eh bien, le but pour lequel Allah a voulu ce dirigeant-là pour la Umma est perdu. Il n'est pas respecté. Il dit, « وَفِي الْمُقَابِلِ مَنْ أَكْرَمَ السُّلْطَانِ بِحِفْظِ مَا أَثْبَتَهُ الشَّارِعُ لَهُ مِنَ الْحُقُوقِ وَالْوَاجِبَاتِ فَأَجَلَّهُ وعزره وقدره ولم يخرج عن أمره في المعروف كان جزاؤه من جنس عمله المبارك فأكرمه الله تعالى في هذه الدنيا برفعته وتسخير قلوب العباد لإكرامه وفي الآخرة بدخول الجنة. Donc le cheikh il dit, et par opposition à celui qui manque de respect au dirigeant, celui qui honore le dirigeant et qui honore l'autorité en respectant et en gardant ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme droit et comme obligation envers ce dirigeant-là, eh bien, il sera élevé et respecté parce qu'il il dit. C'est ça, parce qu'il n'est pas sorti de son commandement dans qu'est-ce qui est bien. et sa récompense donc sera correspondant à son action qui est bénie. Donc il sera récompensé de la manière qui correspond à son action qui est bénie, et Allah va l'annoblir, il va lui monter, va l'honorer dans cette dunya en l'élevant et en assujettissant ou en mettant les cœurs des serviteurs à son service pour l'honorer. Et dans l'au-delà, il va l'honorer en le faisant rentrer au paradis. وقد جاء في بعض الفاظ حديث ابي بكر رضي الله عنه من اجل السلطان او من اجل سلطان الله اجله الله يوم القيامه اخرجه ابن ابي عاصم في السنه. Donc dans certaines narrations du hadith en question de Abi Bakr رضي الله عنه, il est mentionné celui qui montre du respect, qui montre le respect au dirigeant d'Allah, celui que Allah a mis comme dirigeant sur les gens, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va l'élever et va le respecter au jour de la résurrection. Et ça c'est rapporté dans le livre de la Sunna de l'imam Ibn Abi Asim. Ok, le point numéro 3, Anna Sultan ظل الله في الأرض وهي وهذه الجملة هي مقولة أهل السنة والجماعة حكاها عنهم ابن أبي زمنين في كتابه أصول السنة وهي مروية في عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو بكر وأنس وأبو هريرة رضي الله عنهم أشار إلى ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة وذكر أنه جمعها في جزء سماه رفع الشكوك في مفاخر الملوك. Donc le cheikh il a dit que le dirigeant il est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre, et cette parole ça fait partie du nombre des différentes paroles de Ahl Sunnati wal Jama'a. Elle a été citée de la part des gens de la Sunna, elle a été citée à leur sujet, ou comme étant leur parole, par l'imam Ibn Abi Zamanayn dans son livre Usul Sunnah. Et elle est rapportée également dans de nombreux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle a été ces hadiths ont été rapportés par Abu Bakr, Omar, Ibn Omar, Abu Bakr, Anas et Abu Huraira. Et As-Sakhawi, il a indiqué ce hadith-là dans son livre Al-Maqasid al-Hasana. Et il a mentionné qu'il a écrit, ou il a rassemblé, les différentes narrations ou les différentes chaînes de transmission de ce hadith et narration dans une partie d'un livre qu'il a écrit, qu'il a intitulé Raf al-Shukuk fi mafakhir al-muluk. Raf al-Shukuk, ça veut dire de retirer les doutes fi mafakhir al-muluk chez les à propos des rois. Yani qui sont notre fierté, Mafakhir al-Muluk. Donc il a écrit ce livre-là pour montrer l'honneur que détiennent les dirigeants et les rois. Qultu, donc le cheikh Abdus Salam ibn Burjis, il dit Hadith Abi Bakr as-sahha wa huwa hadith hasan kama sayati bayan dhalik wa lafdhuhu عند ابن أبي عاصم في السنة السلطان ظل الله في الأرض فمن أكرمه أكرم الله ومن أهانه أهانه الله. نعم. Donc il dit que le hadith de Abu Bakr c'est le plus authentique de ces différents hadiths, de ces différentes narrations, et c'est un hadith hasan, un hadith qui est bon. Il dit comme cela sera mentionné plus tard, et il dit que la narration ou les termes qui sont rapportés dans la version de Ibn Abi Asim dans As-Sunnah, c'est la version suivante. As-Sultan, donc le dirigeant, c'est l'ombre d'Allah sur terre. Celui qui honore le dirigeant, Allah va l'honorer. Celui qui dénigre le dirigeant ou qui lui manque de respect, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va le dénigrer. Et il dit ensuite wa qawluhu as-sultanu dhillullah ay yarfa'u Allah bihi al-adha 'an an-nas kama anna adh-dhill yadfa'u adha harr ash-shams. Il dit la signification que Allah est l'ombre, que le dirigeant est l'ombre d'Allah sur terre, qu'est-ce que ça signifie? Il dit ça signifie que Allah subhanahu wa ta'ala va repousser par ce dirigeant ce qui dérange les gens ou qui est une nuisance pour eux. De la même manière que l'ombre repousse la nuisance de la chaleur du soleil. Donc, quand il fait chaud, tu te couvres par l'ombre, pour te protéger de la chaleur, eh bien, le dirigeant, c'est comparable à ça. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il te préserve, il repousse ce qui peut te faire des nuisances ou du mal par justement l'autorité de son dirigeant. Il dit wa udifa ila Allah ta'ala huna fi qawlihi dhillullah fi ba'd al-alfaz wa fi ba'd al-alfaz sultanullah i'laman lin-nas bi annahu dhillun laysa kasa'ir adh-dhilal fa huwa arfa'uha wa ajalluha wa a'zamuha fa'idatan wa naf'an. Donc il dit ici, c'est comme si on a mentionné cette ombre comme étant l'ombre d'Allah dans ce hadith. C'est pour dire que c'est comme le dirigeant d'Allah. C'est dans le sens que on veut faire savoir aux hommes que ce n'est pas une ombre comme toutes les autres ombres. Non, c'est l'ombre la plus élevée, la plus respectée, la plus grande, celle qui possède le plus grand bienfait pour les hommes. وهذه الإضافة إلى الله وهذه الإضافة إلى الله إنما هي إضافة تشريف كما يقال بيت الله وكعبة الله ونحو ذلك ففيه إشارة إلى علو مكانة السلطان وشرف منزلته. شيخ الزي le fait qu'on mentionne que c'est le dirigeant d'Allah ou l'ombre d'Allah, c'est dans le but de montrer l'honneur et le respect qui est donné à cette créature. De la même manière qu'on dit par exemple à propos de la Kaaba, on dit que c'est la maison d'Allah. C'est pour montrer l'honneur qui est donné à cette maison, c'est pour honorer cette maison. Comme Kaabatullah, la Kaaba d'Allah. Naqatullah dans le Coran, des exemples comme ça. C'est pour montrer le statut et le degré élevé de ces créatures et l'honneur qui lui revient, qui revient à ce dirigeant. Donc ça c'est le point numéro 3. Le point numéro 4, Nahyu shari' an sabbi sultan وزجره لمن وقع في ذلك وقد ورد في هذا المعنى عدة أحاديث لا تصح لكن ثبت عن الصحابة من هذا شيء كثير. Donc le cheikh il dit l'interdiction d'Allah d'insulter le dirigeant, l'interdiction d'Allah d'insulter le dirigeant est la réprimande pour celui de qui on a constaté qu'il a fait ça, c'est-à-dire qu'il a insulté le dirigeant. Et il dit que cela a été rapporté dans certains hadiths, mais ces hadiths ne sont pas authentiques. et on va en parler au chapitre numéro 7 plus tard dans le livre. Toutefois, il y a de nombreuses paroles de la part des Sahaba à ce sujet-là. Et il mentionne certaines des paroles des Sahaba sur la question. Il dit à Qulu Anas, radiallahu anhu, Nahana kubara'una min ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, qalu, la tasubbu umara'akum. Donc il dit Anas, que nos grands parmi les compagnons du messager d'Allah ont dit, nous ont interdit et ont dit, n'insultez pas vos dirigeants. Donc ça c'est la première citation. Il dit, وقال المناوي في فيض القدير جعل الله سلطان معونة لخلقه فيصان منصبه عن السب والامتهان ليكون احترامه سببا لامتداد في الله ودوام معونة خلقه وقد حذر السلف من الدعاء عليه فإنه يزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين. انتهى كلامه. Donc il dit l'imam Cheikh Al-Manawi dans son livre Fayd al-Qadir, il explique et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé le dirigeant comme un support et une aide pour les créatures. Et son statut, le statut du dirigeant, doit être préservé et protégé contre l'insulte et contre le dénigrement. Donc, il doit être préservé contre l'insulte et le dénigrement. Pourquoi ? Pour que son respect soit une cause dans le fait de prolonger ou de faire en sorte que le butin d'Allah soit distribué et pour que l'aide continue de façon perpétuelle chez ses créatures. Et les salafs ont mis en garde contre le fait de faire des invocations contre le dirigeant et sinon, il augmentera en mal et son malheur, ou disons les malheurs et les troubles vont augmenter contre les musulmans. Fin de la citation. Donc les salafs, ils ont mis en garde contre les invocations contre le dirigeant. Le cheikh, il dit, وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبْ من طريق أبي عثمان سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد حدثني موسى بن نصر حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الحديث قال أبو عثمان الزاهد فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزدادوا شرا ويزداد البلاء على المسلمين ولكن أدعو لهم بالتوبة فيترك الشر وَيَرْتَفِعُ الْبَلَاءُ عَنِ الْمُسْلِمِينَ. انتهى كلامه. Ça c'est très important. Le cheikh il dit, l'imam al-Bayhaqi, il a rapporté dans son livre Shu'ab al-Iman, rapporté selon Abu Uthman, Saïd ibn Ismail al-Wa'iz al-Zahid, il a dit, Moussa ibn Nasr nous a rapporté que Jarir nous a rapporté selon Suhail ibn Abi Salih, selon Atta ibn Yazid al-Layfi, selon Tamim al-Dari, le sahabi, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-din al-nasiha al-hadith. C'est un hadith très célèbre qui dit que la religion c'est le bon conseil ou c'est la sincérité. Et Abu Uthman al-Zahid a dit, alors sois sincère envers le dirigeant et donne le bon conseil au dirigeant et fais de nombreux du'as pour lui pour qu'il devienne meilleur et qu'il reste droit. Dans, avec la parole, dans ses paroles, dans l'action et dans le jugement. Parce que s'il reste bon, eh bien les serviteurs seront eux aussi bons, à cause de leur bien, à cause du bien du dirigeant. Et prends garde de ne pas invoquer la malédiction d'Allah contre eux, sinon ils augmenteront en mal. Et le malheur augmentera contre les musulmans. Mais plutôt invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour eux, pour qu'ils se repentent à Allah, pour qu'ils fassent la tauba et pour qu'ils abandonnent le mal. Et ainsi, le malheur sera retiré des musulmans. Intaha kalamu, fin de la citation. Le point numéro 5. Le cheikh il dit, نقل بدر الدين ابن جماعة عن الترتوشي في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض قال قيل في معناه لولا أن الله تعالى أقام السلطان في الأرض يدفع القوي عن الضعيف وينصف المظلوم من ظالمه لتواثب الناس بعضهم على بعض فلا ينتظم لهم حال ولا يستقر لهم قرار فتفسد الأرض ومن عليها ثم امتن الله تعالى على عباده بإقامة السلطان لهم بقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique ici, il dit que Badruddin ibn Jama'a a cité selon At-Turtushi que il a parlé du verset le verset 251 dans Surat Al-Baqarah et il a expliqué le tafsir de ce verset. Donc le verset en question 251, ça signifie il les met en déroute par la grâce d'Allah et David tua Goliath et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna tout ce qu'il voulut. Et il dit, et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certes corrompue. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a cité comme verset. Puis il a dit, on a dit à propos de la signification de ce verset-là que si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas établi le dirigeant sur la terre pour que yani, il repousse le fort contre le faible, c'est-à-dire il protège le fort pour qu'il ne fasse pas du tort ou de l'injustice au faible et pour qu'il ne soit pas juste envers l'opprimé par rapport à celui qui lui fait de l'injustice, eh bien, les hommes se seraient tous écrasés les uns les autres, se seraient tous sautés les uns sur les autres, faire de l'injustice les uns aux autres. Et l'état des hommes n'aurait pas pu être mis en ordre et organisé et stable. Il n'y aurait pas de stabilité. Et la terre serait corrompue au complet. Mais ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une grâce et une faveur à ses serviteurs en établissant pour eux un dirigeant. Et ça s'est exprimé dans la fin du verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit à la fin du verset 251, « Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. » ولكن الله ذو فضل على العالمين. Et cette faveur, c'est le fait d'avoir placé le dirigeant sur la terre pour organiser les affaires des hommes. Il dit, وقال الألوسي في تفسير هذه الآية ففي هذا تنبيه على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمر العالم ولهذا قيل الدين والملك توأمان توأمان الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر لأن الدين يعني الدين أس والملك حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع انتهى كلامه. Donc l'imam Al-Alusi, il dit dans son tafsir, à propos du verset qu'on vient de lire, de 251, dans surat Al-Baqarah, il dit, Naam, il y a une note dans ce verset au sujet de la grâce et de la faveur ou du mérite de la dirigeance ou de yani du fait d'avoir un dirigeant. Parce que si on n'avait pas le dirigeant, eh bien les affaires des hommes ne pourraient pas être stables, ne pourraient pas être organisées. Et c'est pour ça qu'on a dit que la religion et le pouvoir, ce sont deux jumeaux. La religion et le pouvoir, ce sont deux jumeaux. Et si tu enlèves un des deux, c'est comme si tu enlevais l'autre. C'est-à-dire que un ne peut pas être ou exister sans l'autre. Oui, clairement, ça c'est normal. Mais pour les croyants, parce que pour le croyant qui croit au Coran, qui croit en la Sunna et qui connaît la religion, il ne peut pas y avoir de séparation entre la politique et entre l'économie et l'État et la religion. Il ne peut pas y avoir de séparation. Parce que dans le Coran et dans les hadiths, il y a des règles pour régler les affaires de la religion et pour régler les affaires de la dunya aussi. Et le croyant, il est ordonné de croire en tout qu'est-ce qui est dans le Coran et de l'appliquer. Il n'est pas ordonné seulement d'appliquer ou disons de croire en les versets qui parlent de ce qui est spirituel seulement, comme par exemple de croire seulement en la salat, le jeûne, le hajj, et la zakat et le témoignage de la ilaha illallah qui est le premier des piliers. Ça c'est des affaires, les hommes font ces actes d'adoration là pour Allah, mais en même temps aussi il y a des règles dans l'islam qui gèrent les interactions entre les hommes, que ce soit sur le plan économique ou politique ou social, et ces règles-là font également partie de la religion. Et donc, on ne peut pas les séparer. Donc, si tu vas dire à un musulman, tu dois seulement croire en les règles qui sont dans l'islam, qui sont reliées uniquement à l'adoration et à la spiritualité, mais tout ce qui est en dehors de ça, parmi les règles qui touchent à la société ou à l'économie ou à la politique, tu dois les renier ou les mettre de côté et ne pas y croire, c'est comme s'il est en train de dire que tu dois juste prendre une partie de la religion et rejeter l'autre, ou croire en certains versets et rejeter les autres versets. Et le croyant, il n'a pas le droit de faire ça. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدَ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدَ. Est-ce que vous croyez à une partie du livre puis vous reniez l'autre partie, hein? Donc c'est sûr que ça, c'est pas permis de faire ça, tu vois. Et pour les koufars, bon, dans la religion des juifs et des chrétiens, il y a des règles aussi qui font partie des règles qui ont rapport avec l'adoration, la foi, et il y a aussi des règles qui ont rapport avec les règles sociales, politiques et économiques. Mais ils ne veulent pas les appliquer. C'est ça qu'ils ont appelé la laïcité, c'est-à-dire de séparer la religion de qu'est-ce qui est du domaine des affaires de la vie, de la dunya, comme on dit en arabe, c'est-à-dire les affaires sociales, politiques ou économiques, et ils décident par eux-mêmes, dans ces questions-là, de qu'est-ce qui est bien ou mal, et de qu'est-ce qui est appliqué ou non. C'est comme s'ils avaient dit, qu'est-ce qui est révélé dans les livres de révélation, vous pouvez y croire en vous-même, sauf que on n'en tient pas compte. C'est pas ça qui va déterminer nos vies. Nous, on veut décider par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien et mal, qu'est-ce qui est bon et mauvais, qu'est-ce qui est légal et illégal, et on veut pas que ce soit la religion qui nous dicte ces choses-là. Et on veut pas écouter ou obéir à Allah ou à ses messagers dans ces affaires-là. Hein? Et en plus, ils disent, bon, puisqu'il y a différentes religions, différentes sectes, et chacune prétend avoir la vérité, donc nous, on prétend que, dans ce cas-là, aucune d'entre elles n'aura un mot à dire. Hein? Et c'est nous qui allons décider pour tout le monde. Et chacun pratique sa religion toute seule. Indépendamment de yani, sa religion, on va appliquer les mêmes règles pour tout le monde. Donc, ça, c'est des principes qui contredisent la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des règles que les koufars ont inventées dans leur loi qui contredisent directement les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu vois qu'ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et ils appellent les hommes à tout ce qui est contraire à la révélation d'Allah. Donc c'est pour ça que le croyant, le vrai croyant, ne peut pas accepter la laïcité. Et celui qui, par exemple, accepte la laïcité, c'est quelqu'un, s'il se dit musulman, hein, puis il accepte la laïcité, c'est quelqu'un qui est soit ignorant, donc il ne connaît pas la religion comme il faut, donc il affirme des choses qui contredisent l'islam sans savoir, parce qu'il n'a jamais appris, étudié le Coran, il n'a jamais lu, il n'a jamais étudié, et il reste dans son ignorance. À cause de ça, il va nier des choses de la religion sans savoir. Ou bien que c'est quelqu'un qui est un munafiq, c'est-à-dire c'est un hypocrite, quelqu'un qui ne croit pas réellement en la religion musulmane et en l'islam et en le Coran et en la sunna, et c'est quelqu'un qui déteste le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il prétend qu'il est musulman, soit parce qu'il est né dans une famille ou dans un pays où la religion c'est l'islam, mais lui dans son cœur il n'y croyait pas réellement, mais il fait du fait qu'il est dans une famille musulmane ou d'un pays musulman, il se dit musulman juste pour plaire à sa famille ou à ses proches ou pour pas se faire rejeter ou des choses comme ça, mais en réalité il renie l'islam au fond de son cœur, et ou bien il renie la réalité de l'islam, c'est-à-dire il pense qu'il est musulman, mais l'islam qu'il affirme, c'est un islam qu'il a inventé lui-même dans sa tête. C'est-à-dire, c'est pas l'islam tel qu'il est mentionné dans le Coran et dans les textes authentiques de la Sunna et tel que les salaf l'ont compris. Non, lui, il s'est inventé dans son esprit un islam selon ses désirs. Et pour lui, c'est ça, être un musulman, et il veut imposer ça à tous les musulmans. Et pour lui, les savants de l'islam, les ulama, ils ne connaissent pas l'islam, parce que l'islam que lui, il a dans son esprit, est en contradiction avec ce que les savants ont dit. Alors, il rejette la parole des savants et il dénigre les ulama, il dénigre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec son idée, qu'est-ce qu'il a lui dans sa tête. Il pense que c'est lui seulement qui comprend l'islam, alors qu'il n'a jamais étudié l'islam avec personne parmi les ulama. Et malheureusement, on a cette catégorie de gens dans le monde. Et dernièrement, justement dans les dernières semaines, j'ai lu quelques articles écrits par certains de ces idiots ignorants, nasallahu al-afiya, qui ont écrit des paroles, yani subhanallah, qui n'ont ni je sais pas comment dire, mais qui n'ont aucun sens, disons. Puis c'est ce qu'ils disent. Ils disent nous, on est les musulmans, c'est nous qui sommes, nous sommes les vrais musulmans, nous sommes laïcs. Et tous les musulmans ou les imams qui disent pas la même chose que nous, eh ben c'est pas des vrais musulmans, ou c'est des musulmans qui connaissent pas l'islam. Et donc le vrai islam, c'est nous. Ouais. Mais le problème, c'est qu'est-ce qui est bizarre, c'est qu'ils accusent les savants et les imams de vouloir interpréter l'islam à leur façon, alors que eux, ils font, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire, hein, puisqu'ils sont, les laïcs, là, dans les pays musulmans, les laïcs sont une minorité. C'est-à-dire, tu vas dans la majorité des pays musulmans aujourd'hui, dans la rue, tu sors dehors, tu demandes, est-ce que vous pouvez me définir qu'est-ce que c'est la laïcité, puis qu'est-ce que c'est être un laïc? Tu vas dans les villages, dans les villes, tu rencontres les hommes, les femmes et les enfants, tu leur demandes qu'est-ce que c'est la laïcité, ils ne vont pas savoir te répondre. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent complètement ce que c'est. Et si tu leur demandes, il y a des questions sur ces systèmes que les koufars ont inventés, ils ne vont pas te répondre parce que c'est quelque chose d'étranger à l'islam. Donc, eux, ils prétendent que ceux qui confirment et affirment la charia d'Allah et qui croient en l'islam tel que c'est révélé, tel que c'est écrit dans le Coran et dans les hadiths, de façon claire, selon la compréhension des salafs, eux, ils prétendent que c'est la minorité des musulmans, puis que la majorité des musulmans sont laïcs dans le monde. C'est totalement le contraire. C'est tout à fait faux. Si tu demandes à n'importe quel musulman, est-ce que tu es d'accord avec la laïcité ou avec l'islam et la charia? Il n'y a personne qui va dire je suis d'accord avec la laïcité, je ne suis pas d'accord avec la charia. Mais c'est juste parce que ils essaient de plaire aux kuffars. Quand on leur parle comme ça devant les kuffars, ils essaient de montrer que ils veulent faire plaisir aux kuffars, donc ils disent ce genre de paroles là. Mais si tu fais une discussion avec eux face à face, que tu leur mentionnes les preuves du Coran et de la Sunna et que tu leur expliques les principes comme il faut, tu vois que ils vont pas pouvoir répondre. Ils vont pas pouvoir défendre qu'est-ce qu'ils défendent devant les kuffars, parce que ils savent très bien que ce qu'ils disent n'a aucun sens et ils défendent l'indéfendable. Donc j'ai lu un texte comme ça aujourd'hui même, ce matin, subhanallah, juste avant le Fajr, écrit par une femme algérienne. Elle disait non. Huffington Post, c'est quelque chose, on n'imaginerait même pas quelqu'un qui a lu le Coran dire ces choses-là. Mais c'est pour ça qu'en fait il faut éduquer les musulmans et leur enseigner. Ils vont par exemple, s'il y a un imam à Montréal qui dit quelque chose, comme par exemple si un imam dit la femme elle a besoin d'un wali pour se marier, ou qu'elle a besoin d'un mahram pour voyager, ils vont dire ah, ça c'est un intégriste, c'est un imam radical. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un imam à Montréal qui dit pas ça? C'est-à-dire, va dans toutes les mosquées de Montréal, demande aux imams, est-ce que la femme, pour se marier, elle n'a pas besoin d'un wali? Et est-ce qu'elle n'a pas besoin d'un mahram pour voyager. Yani, subhanallah. Est-ce que c'est qui a dit ça, premièrement? C'est un hadith authentique, hein? Des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnent ces principes-là. Et des imams de l'islam à travers les siècles ont supporté ça, ces principes-là. Et c'est écrit dans les livres de fiqh, dans les livres de hadith, il y a des preuves à ce sujet-là. Donc, si tu vas dire à propos de tous ceux qui disent cette parole que ce sont des radicaux, ça veut dire que la umma au complet sont tous des radicaux. Hein? Pourquoi? Parce qu'on refuse des valeurs ou des principes de l'Occident. Tu vois? Donc c'est ça le malheur. Et puis pourtant, c'est pas parce qu'on est ici. En fait, qu'est-ce qui les dérange? C'est qu'eux, ils sont en train d'appeler les pays musulmans à devenir laïcs et à se laïciser, puis que nous, on est dans leur pays et qu'on est en train de dire aux musulmans que la laïcité, c'est quelque chose de faux ici. Donc c'est comme si ça envoie un signal bizarre pour les musulmans qui sont dans les pays musulmans qui se font bombarder symboliquement, yani, par des idées de laïcité puis de démocratie. Les femmes, on leur dit enlevez votre hijab, enlevez votre jilbab, enlevez votre niqab. Devenez, vous êtes égal à l'homme, vous pouvez faire tout ce que les hommes font, obéissez plus à vos pères, à vos mères, obéissez plus à vos maris, sortez dehors, enlevez tout, hein, et soyez libres, faites ce que vous voulez, comme des hommes, hein, écoutez plus à vos parents, à vos maris, non. Et la même chose pour tous les différents aspects de la société, ils veulent imposer ces principes-là et ces valeurs-là dans les pays musulmans avec toutes sortes de supports et d'aides. Puis, ici, nous on est ici, donc eux, ils essaient en même temps de faire venir des musulmans pour les faire intégrer les sociétés ici. Pourquoi? Pour apprendre ce mode de vie, pour l'apprendre dans... C'est comme ils viennent faire un stage ici. C'est quand les koufars les laissent venir vivre dans les pays de Kouf, c'est comme s'ils viennent faire un stage de Kouf dans la laïcité pour apprendre à vivre à l'occidental, pour qu'ils apprennent à vivre selon les valeurs des koufars et de la démocratie, de la laïcité. Comme ça, quand ils retournent dans leur pays, ils inculquent ces valeurs-là qu'ils ont apprises aux autres musulmans de leur famille, de leurs proches. En plus de la da'wa qui se fait de façon à différents niveaux là-bas, sur d'autres plans. Donc c'est comme pour dire que tout est calculé. Tout est calculé pour que yani, le monde musulman se dirige dans le sens que l'Occident désire. Puis d'avoir une voix qui vient à contresens, contredire qu'est-ce que eux ils enseignent ici et dans les pays musulmans, ça vient en contradiction avec leurs intérêts. Et c'est pour ça qu'ils veulent essayer de trouver un moyen pour faire en sorte que cette da'wa elle cesse. Puis avec le terrorisme qui est en train de se propager dans différents pays musulmans et non musulmans, eh ben ça vient renforcer, disons, leur argument pour contrer la propagation de l'islam, de la da'wa à l'islam et à la sunna, parce qu'ils vont essayer de dire qu'est-ce qui cause ce terrorisme-là, c'est les idées et les enseignements de l'islam, de ceux qui sont en train de contredire nos principes et nos valeurs, pour essayer de faire croire aux musulmans et aux non-musulmans qu'il y a un lien direct entre l'intégrisme, comme eux ils l'appellent, le fait d'appeler au principe de la charia, de l'islam et de la sunna, et de l'application de ces principes-là, et les gens qui font des actes de terrorisme, alors qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Mais eux, ils utilisent cet amalgame justement pour essayer de contrer la propagation et l'avancement de l'islam, parce qu'ils ont vu qu'ils ont réussi à écraser le judaïsme. Ils ont réussi à écraser le christianisme, ils ont réussi à écraser le bouddhisme, toutes les religions au monde. La seule religion aujourd'hui qui pose une résistance à la propagation des valeurs de kufr dans les pays musulmans et non musulmans, la seule religion qui reste debout et qui se tient encore, c'est l'islam. C'est la seule, il n'y en a pas d'autre. Et donc, c'est pour cette raison-là que là, ils sont en train d'essayer de mettre le paquet pour en finir avec les musulmans et l'islam. Mais étant donné que c'est la religion d'Allah et que c'est Allah qui la protège et qui la préserve, ils ont beaucoup de difficultés et ils ne sont pas capables. Et ils voient que malgré tout ce qui se passe, le nombre des convertis ne fait qu'augmenter de plus en plus et que l'islam ne continue. Hein, ne fait que continuer à se... Oui, malgré toutes les propagandes, malgré l'argent qu'ils dépensent, les moyens, les effectifs, les individus, toutes ces choses, les choses qu'ils mettent en place pour essayer de contrer la da'wa et la salafia, et la désinformation qu'ils font dans les médias pour essayer de salir l'image des musulmans et des salafis en particulier, même de, parfois de mélanger, même de mentir sur la définition de qu'est-ce que c'est un salafi, pour essayer de faire des amalgames malhonnêtes et injustes entre un salafi et un terroriste ou un salafi et un khariji. Malgré tout ça, la da'wa continue et elle avance encore. Et même au milieu de leur pays, exactement, et même dans leur famille. Donc, c'est la religion d'Allah. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, Allah ilhamd. Donc, on demande juste à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver nous-mêmes contre la fitna et contre les épreuves, parce que c'est pas pour, comme Cheikh Al-Fawzan il l'a dit plusieurs fois, et d'autres ulama aussi, c'est pas pour nous, c'est pas pour l'islam qu'on a peur, parce qu'on sait que l'islam, Allah il la préserve, puis c'est la religion d'Allah. Mais on a peur, c'est pour nous-mêmes. Parce que c'est nous qui avons des faiblesses, c'est nous qui sommes faibles, hein, qui peuvent tomber facilement dans la fitna, surtout lors de l'épreuve. C'est difficile les épreuves. Et donc il ne faut pas souhaiter ça, il ne faut pas souhaiter la difficulté, il ne faut pas souhaiter les épreuves. Mais en même temps, lorsque l'épreuve est là, il faut faire preuve d'endurance et de force et de fermeté et de patience pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous justement nous aide et nous guide et nous garde sur le droit chemin. Naam. Donc pour revenir à qu'est-ce qu'on a dit, il a dit donc que la religion et l'État, ce sont deux jumeaux. Et si on enlève un, c'est comme si on enlève un, c'est comme si on enlevait l'autre. Et il dit que la religion, c'est la base, et le pouvoir ou le dirigeant, c'est le gardien de cette base. Donc il dit, s'il n'y a pas, ce qui n'a pas de base ou de fondation, ça, c'est quelque chose qui va être détruit facilement, hein, mahdoum, et ce qui n'a pas de gardien, eh bien, il va être perdu, hein, parce qu'il va être facilement pris par d'autres ou écrasé. Donc c'est comme ça l'exemple qu'il a donné. Il dit la religion c'est comme la base, puis le pouvoir, le dirigeant, c'est le gardien de cette base, et les deux donc vont ensemble. Il dit فَامْتِنَانُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى عِبَادِهِ بِإِقَامَةِ السُّلْطَانِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ السُّلْطَانِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِ السُّلْطَانِ إذ إن الله تعالى إنما يمتن على عباده بالأمور العظام تنبيها على ما دونها وإظهارا لعظيم فضله تعالى. Donc le cheikh il dit que cette grâce que Allah subhanahu wa ta'ala et cette faveur que Allah subhanahu wa ta'ala fait à ses serviteurs en établissant le dirigeant parmi eux, c'est la preuve du mérite et de l'importance de la grandeur du bien et de la grâce qu'il y a dans la présence de ce dirigeant-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait que donner ou mentionner la grâce qu'il a fait à ses serviteurs par des choses qui sont importantes et grandes. Et pour montrer justement, qu'est-ce qui est moindre, hein, pour montrer et pour indiquer qu'est-ce qui est moindre. Dans le sens que, Si par exemple il montre la grandeur d'une faveur, eh bien ça indique aussi les faveurs qui sont moins importantes aussi. Et c'est pour montrer la grandeur du mérite de ce que Allah nous a donné comme grâce, du bien que Allah nous a donné. Donc ça c'est le point numéro 5. Le point numéro 6, al-ijma' al-mun'aqid min al-ummati 'ala anna an-nasa la yastaqimu lahum amrun min umuri dinihim wa la dunyahum illa bil-imama. Illa bil-imama. Falawla Allah thumma al-imama la da'a ad-din. La da'a ad-din wa la fasadat ad-dunya. وفي هذا المعنى يقول الفقيه أبو عبد الله القلعي الشافعي في كتابه تهذيب الرياسة: نظام أمر الدين والدنيا مقصود، ولا يحصل ذلك إلا بإمام موجود. ولو لم نقل بوجوب الإمامة لأدى ذلك إلى دوام الاختلاف والهرج إلى يوم القيامة. ولو لم يكن للناس إمام مطاع لانثلم شرف الإسلام وضاع. لو لم يكن للأمة إمام قاهر لتعطلت المحاريب والمنابر وانقطعت السبل للوارد والصادر. Donc le cheikh dit, il y a un consensus qui a été établi que de la part de la Ummah, que les hommes ne peuvent pas ordonner leurs affaires et les questions de leur religion ni de leur dunya, excepté par la présence d'un dirigeant. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'était d'Allah puis du dirigeant, eh bien la religion serait perdue et la dunya serait corrompue. Il dit, et dans ce sens, il y a la parole de ce que a dit le grand savant Abu Abdillah al-Qal'i al-Shafi'i dans son livre Tahdhib al-Riyasa. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a cité cette signification-là aussi dans Majmu' al-Fatawa, le volume 28 à la page 390. Et il dit, le système ou l'organisation des affaires de la religion et de la vie d'ici-bas, c'est quelque chose qui est voulu dans la charia et qui est recherché, hein. Et on ne peut y arriver à obtenir ces choses-là, c'est-à-dire que les affaires de la religion et de la vie d'ici-bas soient organisées, excepté s'il y a un dirigeant qui est présent. Et il dit, si on n'aurait pas dit qu'il est obligatoire d'avoir un dirigeant, cela aurait amené à la divergence permanente. C'est-à-dire qu'on aurait toujours été dans la divergence et dans la tuerie et les meurtres et les massacres jusqu'à la fin des jours, jusqu'au jugement dernier. Pourquoi ? Parce que sans le dirigeant, il n'y a rien qui tient. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans la société. Il n'y a pas de sécurité. Il dit, et s'il n'y avait pas de dirigeant obéi pour les hommes, eh bien, l'honneur de l'islam serait perdu, serait complètement perdu. Et si ce n'était pas de la présence d'un dirigeant qui a une autorité et qui est contraignante, eh bien, les mosquées et les manabir, hein, les endroits sur lesquels les imams se tiennent pour faire le sermon et pour diriger la prière, seraient perdus aussi, seraient abandonnés. Et les voies et les chemins seraient inutilisables. Et les voleurs et les brigands, ils pourraient prendre et tuer qui ils veulent. Et ce serait la loi de la jungle. Hein, le plus fort, il mange les plus faibles. Et il dit, ولو خلا عصر من إمام لتعطلت فيه الأحكام وضاعت الأيتام ولم يحج بيت الحرام. Donc s'il y avait une époque où il n'y avait pas de dirigeant, eh bien les règles de la religion seraient abandonnées et les orphelins seraient également abandonnés aussi. Personne s'en occuperait et personne ne ferait le hajj vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. ولولا الأئمة والقضاة والسلاطين والولاة لما نكحت الأيام ولا كفلت اليتامى. Donc si c'était des imams, des dirigeants, des juges, hein, et des responsables, yani, les orphelins n'auraient pas trouvé personne pour les marier, de même que personne n'aurait été garant, hein, des orphelins non plus. Voilà où la sultane, c'est-à-dire que celui qui est le wali de celui qui n'a pas de wali, c'est le dirigeant, tu vois. Et celui qui est garant pour les orphelins, c'est l'autorité, le gouverneur, c'est lui le responsable. Non, parce que là, nous, on est dans un pays non musulman, il n'y a pas d'autorité islamique, mais dans un pays musulman, c'est le dirigeant, le gouverneur, c'est lui le responsable, c'est lui qui marie celle qui n'a pas de wali, et, ou bien son représentant, tu comprends? Tandis que dans un pays non musulman, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de juge islamique. Donc, dans ce cas-là, c'est les responsables des mosquées qui représentent le wali pour la fille qui n'a pas de wali. Tu comprends? Il dit, voilà où la sultane, la kana nasu fawda, wa la akala ba'dhum ba'dhan, intaha kalamu. Qu'il dit, si les dirigeants, s'il n'y avait pas de dirigeants, eh bien, ce serait le chaos entre les hommes. Et chacun se mangerait les uns les autres. Il dit, هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكامه وأعذابه. Il dit, cette parole, c'est parmi les paroles les plus complètes, les plus générales, les plus sages et les plus claires par rapport à ces questions-là. C'est le point numéro 7. أن السلطان أعظم الناس أجرا إذا عدل. Ça, c'est un point aussi important, qu'on ne pense pas à ça souvent. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. Cheikh, il dit, Yaqul, que la personne parmi les hommes, s'il est juste, celui qui aura la plus grande récompense, c'est le dirigeant. S'il est juste, la personne qui aura la plus grande récompense, c'est le dirigeant. Et vous allez voir pourquoi. يقول العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام على الجملة فالعادل من الأئمة والولاة والحكام أعظم أجرا من جميع الأنام بإجماع أهل الإسلام لأنهم يقومون بجلب كل صالح كامل ودرء كل فاسد شامل فإذا أمر الإمام بجلب المصالح العامة ودرء المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا إليه من المصالح العامة وزجر عنه من المفاسد ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر عليها بعدد متعلقاتها وقال وأجر الإمام الأعظم أفضل من أجر المفتي والحاكم يعني القاضي لأن ما يجلبه من المصالح ودرعه من المفاسد أتم وأعم. انتهى كلامه. Donc le Cheikh il explique que dans son livre Ibn Abd al-Izz, dans son livre Al-Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, il dit de façon générale, le juste parmi les dirigeants, parmi les responsables, parmi les juges, il a une plus grande récompense que tous les hommes. Et ça, c'est selon le consensus des musulmans et des gens de l'islam. Parce que c'est eux qui appliquent tout ce qui est bien pour les hommes. Et qui repousse tout ce qui est mal pour les hommes. Donc, si le dirigeant ramène les bienfaits généraux pour les gens et repousse un mal général pour les hommes, eh bien, il aura la récompense selon ce qu'il a appelé, hein, selon les bienfaits et les bonnes choses générales à laquelle il a appelé, et également pour les méfaits qu'il a repoussé ou puni. Il aura la récompense pour ça. Et même si c'était juste par une seule parole qu'il dit pour stopper un mal ou pour ramener un bien, eh bien il aura la récompense pour toutes les choses qui sont reliées à cette parole-là qu'il a dite, hein, qui ont des répercussions dans justement la suite du bien ou du mal, du bien qui est ramené ou du mal qui est repoussé. Donc ça c'est quelque chose de grand, yani. C'est-à-dire que le bien que le dirigeant peut faire et le mal qu'il peut repousser, c'est incomparable à qu'est-ce que l'un d'entre nous est capable de faire. Lui, avec une seule parole, il est capable d'interdire plein de mal et d'ordonner plein de bien. Hein? Et c'est à lui que ça va revenir. Et il dit ensuite, le dirigeant, le grand dirigeant, il a la meilleure récompense. Il a une récompense meilleure que la récompense du mufti ou du juge, parce que ce qu'il ramène comme bienfait et ce qu'il repousse comme méfait, comme chose mauvaise, est plus complet et plus général. Et il dit, وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ الْحَدِيثُ. قال الحافظ المراد به صاحب الولاية العظمى ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. انتهى كلامه. Donc il dit, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 7 catégories de personnes que Allah va couvrir de son ombre le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté son ombre, et la première personne qu'il a mentionnée, c'est le dirigeant juste. Et il a dit, Al-Hafiz, il a expliqué le hadith, il a dit, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est celui qui détient la gouvernance générale. Mais on peut rattacher à cela toute personne qui a une responsabilité quelconque des affaires des musulmans et qui a été juste dedans. Donc ça, c'est la fin de la citation en question. Il dit ensuite, وَإِنَّمَا جُزِيَ بِهَذَا الْجَزَى لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي ظِلِّهِ فِي الدُّنْيَا فَكَانَ جَزَاؤُهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ فِي الدُّنْيَا جَزَاءً وِفَاقًا. وقدمه صلى الله عليه وسلم لأنه أفضل السبعة وأعلاهم مرتبة فإنهم داخلون تحت ظله ولعموم النفع به. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإمام يوضع في ميزانه جميع أعماله جميع أعمال ra'iyatihi. Donc le cheikh, il a dit, et pourquoi il est récompensé de cette grande récompense? C'est parce que les gens étaient dans son ombre dans la vie d'ici-bas. On a lu dans le hadith tout à l'heure que le dirigeant, c'est l'ombre d'Allah sur la terre, hein? Et donc les gens dans cette vie d'ici-bas, ils étaient sous son ombre. Alors la récompense qu'il aura dans l'au-delà est de la même catégorie, c'est-à-dire que lui aussi sera couvert par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura pas d'ombre excepté l'ombre d'Allah, et ça c'est la récompense qu'il aura qui correspond à ce qu'il a fait. Et il dit, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en devant des autres, c'est-à-dire il l'a mentionné en premier sur les 7 catégories de personnes parce qu'il a le degré le plus élevé parmi ces 7-là, puisque ils rentrent tous sous l'ombre du dirigeant. Tous les autres, parmi les 7 catégories, rentrent sous l'ombre du dirigeant, et parce que, en même temps, son bienfait, le bienfait qui est ramené par le dirigeant, elle est générale pour tout le monde. Et il dit ensuite, et certains hommes de science ont mentionné que le dirigeant, on va mettre dans sa balance toutes les bonnes œuvres qui ont été faites par ces sujet et par la population. Donc non seulement il aura ses bonnes œuvres à lui, mais les bonnes œuvres de toute sa population, de toute la population, de tout le peuple qui ont fait du bien, hein, et lui il a été une cause là-dedans, hein. Donc il aura une partie de leur récompense aussi, il aura leur récompense. Et il dit, wa hadha ma ashara ilayhi al-'izz fi qawlihi al-mutaqaddim kana lahu ajrun بحسب ما دعا إليه من المصالح إلى آخره. Il dit, c'est à ça que Al-Izz voulait indiquer tout à l'heure lorsqu'on a lu sa parole, lorsqu'il disait, et il aura la récompense selon ce à quoi il a appelé comme bienfait, comme des bonnes choses, parmi les bonnes choses. Et il dit, « وقال ابن الأرزق المالكي وقاعدة أن فاعل السبب بمنزلة فاعل المسبب قاطعة بذلك. » وإليها يشير قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا ورواه مسلم عن أبي هريرة كما أنه إذا دعا إلى هدى كان له مثل أجور مثل أجر من عمله من رعيته فإنه لو دعا إلى باطل من معتقد فاسد أو معصية فعمل بها الناس فعليه من الآثام مثل آثام من تبعه في ذلك إلى يوم القيامة والعياذ بالله. Donc le cheikh il dit que Ibn al-Arzaq al-Maliki, il a dit, ça c'est une règle, hein, c'est une règle que la personne qui est une cause, donc je sais pas comment traduire ça, c'est lui. Oui, ça c'est le hadith, mais c'est dans ce sens là en fait, puisque, mais c'est parce que Al-Musabbib, c'est celui qui fait en sorte que quelque chose se produise, puis Al-Sabab, c'est la cause. Donc, des fois, j'ai de la misère à expliquer cette expression, Al-Sabab ou Al-Musabbib. En tout cas, c'est dans le sens que celui qui a été responsable, ou qui a été une cause dans l'existence de quelque chose, eh bien, il aura la récompense de celui qui l'a suivi. Oui, c'est ça. L'exemple des prophètes et des dirigeants, et ainsi de suite. Donc, il mentionne, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué cela dans le hadith, lorsqu'il dit, celui qui appelle à une guidance ou quelque chose de bien, il aura la récompense de celui qui l'a suivi. Il aura la récompense semblable à celui qui l'a suivi dans ce bien, sans que cela ne diminue quoi que ce soit de ses récompenses à lui. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le péché, son péché, et le péché de celui qui l'a suivi, sans que cela ne diminue rien de ses péchés. Donc c'est dans ce sens-là que, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure. Sans diminuer rien de son péché. Et celui qui a fait un péché, mais celui qui a appelé à un péché ou à un égarement, tandis que celui qui a appelé à une bonne action, il aura sa bonne action à lui, plus la récompense de la bonne action de celui qui l'a suivi dans ce bien, sans que cela ne diminue en rien ses actions à lui. De leur action à lui ou ses actions à... C'est-à-dire, il ne va pas lui enlever rien de ses actions. Tu comprends? Il va avoir les récompenses pour son bien, sa bonne action à lui et la bonne action de celui qui l'a suivi dans le bien sans que cela ne diminue en rien de ses bonnes actions. C'est ça. Et celui qui appelle à un égarement, il aura le péché de l'égarement qu'il a fait lui-même ou qu'il a appelé, et de tous ceux qui l'ont suivi, sans que cela ne diminue en rien de leur péché. Et il dit, ça c'est rapporté par Muslim selon Abi Huraira. Et il dit que c'est comme celui donc qui appelle à une guidance, il aura la même récompense que celui qui a agi selon cette guidance-là parmi la population. Donc le dirigeant, s'il a appelé son peuple à faire des bonnes choses, eh bien, il aura la récompense de qu'est-ce que son peuple a fait après lui, sans que cela ne diminue rien de leurs bonnes actions. Et il dit, et si par contre il appelle à quelque chose de faux ou à une croyance d'égarement ou quelque chose qui est péché ou une désobéissance et que les gens l'appliquent ou le suivent ou le font, cette mauvaise chose par la suite, eh bien il aura aussi les péchés de tous ceux qui l'ont suivi dans ce péché-là jusqu'au jour de la résurrection. Donc c'est grave. Donc il dit ensuite le point numéro 8 qui est le dernier point. Oui. Exactement. Si tu apprends un doua à tes enfants, ou un zikr, ou une salat, ou n'importe quoi à tes enfants, ils le font, puis ensuite, plus tard, même après ta mort, les enfants de tes enfants, et leurs enfants, jusqu'à la fin des temps, tu vas continuer à avoir des récompenses pour ça. Pareil pour un alim. Et le premier dans tout ça, c'est qui? C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui a toutes nos hasanat. Chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, et lui, il a la récompense pour ça. Parce que c'est le premier qui a appelé au bien. Donc, tout ça, c'est pour montrer le bien. Et le dernier point, on va terminer avec ce dernier point, c'est ijma' al-muslimin ala anna al-wilayat min afdal al-ta'at. Hakahu العز ابن عبد السلام في القواعد وأنها من أعظم واجبات الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو ذهبنا نستقصي مكانة الولاة في الإسلام لطال بنا الكلام وتشعبت بنا الأبحاث وفيما ذكرنا تنبيه على المقصود والله من وراء القصد. Donc, il dit pour terminer, le cheikh, qu'il y a un consensus des musulmans sur le fait que les responsabilités et les postes d'autorité dans la religion et dans l'islam font partie des plus grandes formes d'obéissance d'Allah. Et ça a été rapporté par Al-Izz ibn Abdussalam dans son livre Al-Qawa'id, et il dit que c'est parmi les plus grandes obligations de la religion, comme Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah l'a expliqué aussi. Et il dit, et si on commençait à essayer de ramener tout ce qui a été mentionné dans l'islam, dans la religion, à propos de l'importance et le statut des dirigeants dans l'islam, eh bien, ce serait une parole très très longue, on aurait beaucoup beaucoup de choses à dire et les choses auraient découlé et on serait tombé dans plein d'autres sujets aussi qui touchent à ça. Mais qu'est-ce qu'on a mentionné comme une note pour expliquer notre sujet et notre objectif? Et Allah subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui est derrière notre intention. Et donc, alhamdulillah, on a complété le chapitre numéro 2 aujourd'hui. Et donc, au prochain cours, on fera le chapitre numéro 3. Et c'est un chapitre très important. Le chapitre numéro 3, c'est au sujet du verdict de l'imam et au sujet de la sagesse d'avoir un dirigeant, le verdict de la gouvernance, la sagesse de la gouvernance et l'explication des objectifs derrière le fait d'avoir un gouverneur et ainsi de suite. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Non, dans les pays de Kufr, on doit respecter notre entente et notre engagement envers le dirigeant par rapport à l'entente qu'on a donnée en rentrant dans le pays. Donc quand on est musulman, on rentre dans les pays des Kufars, on signe un visa, on prend un visa, donc on s'engage à respecter hein, les conditions qu'il nous demande de respecter. Hein, et donc, ça c'est dans ce sens-là. Donc, on respecte par rapport à notre parole, du fait que le musulman, il doit respecter son engagement. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu, awfu bil'uqud. C'est-à-dire, respectez vos engagements. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimuna ala shurutihim. Donc les musulmans, ils respectent leurs conditions. Donc dans ce sens-là, tu respectes tes engagements et ta parole en rentrant chez les kuffars et tu respectes ce que tu as promis. Toutefois, le kafir ne peut pas être un dirigeant pour le musulman. D'accord? Et donc dans ce sens-là, c'est pas comparable avec l'obéissance d'un dirigeant musulman. Tu comprends? Mais qu'est-ce qu'il y a de problème que les critiques elles-mêmes de part en disant le gouvernement Apple, c'est on dire des choses négatives, tout ça, parce que ça ne fait pas partie de l'engagement qu'on a pris. Est-ce qu'on peut dire ce qu'on fait ou on doit quand même se limiter de ne pas? Tout ce qui peut ramener de la fitna ou des problèmes contre les musulmans, dans ce cas-là, il faut s'en abstenir. Et puis, il faut s'en écarter. Mais c'est pas dans le même sens que par rapport à l'obéissance des dirigeants musulmans. Mais c'est plus par rapport au bien. Quand on a posé la question à Cheikh Al-Fawzan par rapport aux dirigeants koufars dans les pays de Kufr, mais c'est ça ce qu'il a expliqué. Il a dit, les musulmans, vous êtes là-bas, vous êtes faibles, vous n'êtes pas en une position où vous êtes capable de vous affronter à l'autorité, au pouvoir, ou des choses de ce genre. Et si vous faites ça, ça va avoir des répercussions plus mauvaises que le bien que vous pensez vouloir faire. Donc, vous écartez de la fitna. Et vous ne faites pas ce genre de choses-là. Tu vois? Donc c'est pour ça, il faut pas juste voir comme certains ils regardent les ordres, les enseignements de l'islam. Oh, dans l'islam, il faut faire telle chose de telle façon dans telle situation, et ils vont et ils disent bon ça y est je vais le faire. Mais tu dois regarder les conséquences de qu'est-ce que tu vas faire. Est-ce que ça va ramener plus de mal que de bien? Si tu vois que ça va ramener plus de mal, t'as pas le droit de faire quelque chose qui va ramener du mal aux musulmans et ou bien à toi-même, tu vois. Donc c'est ça, on obéit dans le bien tel qu'on a donné notre parole, hein, et on fait pas de qu'est-ce qui va nous ramener du mal, nous ramener du mal aux autres musulmans. Wallahu ta'ala a'lam, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.